L'arrêt, donc le stationnement, sont interdits. C'est la signification de ce panneau. L'arrêt est interdit aussi bien sur la route que sur l'accotement. D'ailleurs, vu la largeur de celui-ci, on ne voit pas très bien où l'on pourrait s'arrêter. Le panonceau veut dire que l'interdiction est valable avant et après le panneau. J'ai donc dû rencontrer ce premier panneau comportant ce panonceau indiquant le début de l'interdiction et je rencontrerai plus loin le même panneau avec ce panonceau qui mettra fin à l'interdiction. Réponse A, B et D.